Pourquoi tant de catastrophisme et même de catastrophisme au pluriel avec un S? Le mot catastrophisme, jusqu'à il y a peu de temps, n'était pas du tout une catégorie philosophique. On appelait catastrophiste celui qui voyait partout des catastrophes, qui exagérait, qui criait au loup, comme dans la fable Pierre et le loup, qui, à chaque petit danger, voyait arriver la fin du monde. Le catastrophisme, c'était alors une sorte de pathologie du rapport à la catastrophe. Un rapport à la catastrophe qui devenait lui-même, au fond, catastrophique, destructeur, chez quelqu'un qui, voyant la catastrophe partout, était tout le temps catastrophé et donc n'allait effectivement pas bien du tout. Et comment la catastrophe, en tant que telle, ne susciterait-elle pas en effet cette pathologie, cette peur exagérée, puisque la catastrophe n'est pas du tout un risque comme les autres, n'est pas même un très grand risque, est autre chose qu'un risque. C'est la possibilité de la destruction totale, incommensurable, incompensable par une assurance ou une réparation quelconque de quelque chose dans son existence même. Et par exemple, pour nous, le modèle de la catastrophe, pour nous, êtres vivants, reste toujours la possibilité et la réalité de la mort. Et il y a des degrés de la catastrophe, mais c'est toujours en fonction de l'être qui est détruit. Par exemple, une chemise blanche avec une tache noire, c'est une catastrophe, elle n'est plus blanche du tout. Mais c'est toujours la destruction totale de quelque chose avec quelque chose d'irréversible. Et comment s'étonner que cela hante nos esprits et que finalement le catastrophisme soit un risque constant de notre imaginaire. Et pourtant, le catastrophisme ne désigne plus seulement aujourd'hui cette pathologie subjective et individuelle. Il désigne vraiment une catégorie philosophique affrontant un problème de notre temps aujourd'hui. Ce problème possible de la fin du monde et d'une catastrophe réelle et même possiblement globale. C'est depuis quelques années, notamment pourrait-on dire depuis 2002, depuis la publication par Jean-Pierre Dupuis d'un livre au titre étonnant pour un catastrophisme éclairé. C'est depuis 20 ans, donc à peu près, que le catastrophisme a fait son entrée en philosophie comme une catégorie philosophique parmi d'autres, comme un isme parmi d'autres, comme, disons, l'historicisme, aussi comme le réalisme, comme l'optimisme ou le pessimisme. Le catastrophisme est alors une catégorie générale qui vise à penser notre histoire sous le signe du risque global, du risque de destruction totale, et d'en faire, comme dans le paradoxal titre de Jean-Pierre Dupuis, un outil de réflexion, un outil pour éviter les catastrophes. Catastrophe, bien entendu, pour un catastrophisme éclairé et non pas pathologique. Mais peut-être le signe le plus grand que nous vivons une époque nouvelle, placée sous cette signe, c'est ce pluriel, les catastrophisme. Jean-Pierre Dupuis lui-même oppose son catastrophisme éclairé désormais aux collapsologies qui, d'après lui, jouissent même du rapport à la catastrophe, ne font plus rien pour l'éviter, alors que le catastrophisme éclairé consiste à maintenir la lutte contre la catastrophe. Et on pourrait ajouter, il y a aussi un catastrophisme éthique et politique qui place la catastrophe morale, sociale, politique, démocratique, avant même la catastrophe naturelle. Car le meilleur recours pour éviter la destruction et la fin du monde, n'est-ce pas d'abord de maintenir la justice entre les hommes, qui maintient aussi notre esprit dans un rapport normal, dans un rapport rationnel, dans un rapport démocratique et sain à la catastrophe elle-même, un catastrophisme non pathologique pour lutter contre toutes les catastrophes du monde.